cryptographie. De Yann Corridian et Sophie Quintan. Septième épisode. Ladies and gentlemen, for your security, keep your seat belts fastened until the fastened seat belt sign is switched off. Si je veux. Si je veux. C'est toi. Je croyais que nous avions décidé d'un commun accord de... De quoi, hein? De quoi, maman? Il n'y a plus de maman. Ce mot me dégoûte quand il sort de ta bouche. Ok. Bon, ben, je vois, statu quo, quoi. Et tu me proposes pas de rentrer, ni de m'offrir un verre d'eau, enfin rien, quoi, si nada? Si tu as quelque chose à me demander, tu m'envoies... Un mail? Non, ton... tu sais. Ah oui, je vois, oui. Mon, que je n'ai pas, bien sûr, mon factotum, c'est ça? Oui. J'ai 40 ans, quoi. Et j'ai pas de factotum, ni de boy, personne, quoi. Et je te rappelle que t'es ma mère, hein. Mais bon. Avant de te connaître, ça m'insupportait ce genre de musique. Eh ben moi, avant de te connaître... Non, c'est trop con. Bon, bah vas-y, fais pas ta chouchotte. Non, je peux pas, je te jure, c'est plus que con, c'est débilissime. Bon. Bah, sauvé par le gong. Bonjour aussi. Salut. Hé, t'as du sapin les cheveux. C'est quoi cette marque dans ton cou? C'est un suçon. Oh, à propos, je vous ai pas raconté, il y a une femme, une américaine, pas loin du lycée, qui m'a demandé son chemin. On sait, papa, il se passe pas une journée sans que quelqu'un te demande son chemin, pas une. Eh ben, cette femme, cette américaine, qui a d'ailleurs souligné que j'étais so sweet, soit dit en passant, eh ben, elle m'a filé 200 euros. Mais bien sûr. Ah, je te le jure, chérie. Bon, ok. Et ton oral blanc? Bof. Quoi, bof? Duras, moderato cantabile. C'est dingue, j'étais tombé sur ça moi aussi et j'avais eu 19. Oh, une tuerie cette orale. Ok, mais toi, finement, t'as préféré t'arrêter sur un succès. Et résultat, pas le bac. Oh. Bon, il arrive à quelle heure déjà, mon oncle djihadiste? 22h30. Je viendrai avec toi. T'as trouvé l'argent? Bah... Et tu sais qu'il a essayé de taper Louis Thème à la sortie du lycée? Oh. Sinon, Inès. Ah. Que quoi, Inès? Rien, laisse tomber, c'est entre Paul et moi. Oh, bon, alors, puisque vous m'excluez de votre vie toute pleine de connivence, je sors tenter de trouver un cheval et de regarder sous ses sabots s'il n'y a pas un peu d'argent. Tu devrais rester. Bah, donne-moi une bonne raison. J'ai fait un couscous. Un couscous? Un royal. Chapeau bas. T'es vraiment qu'un goinfre. Mon amour? Quoi? Oh, j'aime bien quand tu dis mon amour, on dirait que... C'est quoi cette histoire de fusil? Dis-moi la vérité. Tu me dois bien ça, la vérité, non? Tu veux pas qu'on mange d'abord? Bon, Olivier, s'il te plaît. Mais l'argent que je dois à mon oncle, c'était pas pour un fusil. Et? C'était pour quoi alors? Écoute, non, c'est minable. Vraiment pas glorieux, hein. Rien de grave, rien de glauque, juste minable, quoi. Vas-y. Et si après, tu m'aimes moins et que donc tu décides de prendre tes clics et tes claques et de m'abandonner là avec Paul et ses suçons, hein, sans parler du fait que tu sois enceinte... Bon, c'est bon, dis-moi, quoi. Juste dis-moi. Je partirai pas. Jamais. Bon, sauf si tu ne dis pas. Bon, ok. C'était quand je travaillais pas beaucoup. Paul venait de naître. J'habitais rue des Cascades avec Cécile. Et à Jourdain, au métro Jourdain, je suis passé devant un distributeur de billets. Et j'ai vu une carte bancaire coincée dans la fente de la machine. Et comme personne ne semblait ni la voir ni s'y intéresser, ben je l'ai prise. Ni vu ni connu. Je suis rentré comme si de rien n'était... J'en ai parlé à personne, comme un enfant qui pique des sous dans le porte-monnaie de ses parents. Même à Cécile, t'as rien dit? Non. C'était encore l'époque des sabots, tu sais. Les commerçants mettaient la carte sur un papier carbone et faisaient glisser un truc là, qui imprimait le montant de ton achat. Et tu devais juste signer, on te demandait rarement une carte d'identité. Un jour, j'ai décidé de me servir de la carte. Elle appartenait à un certain Jean-Marc Fiesse. C'était un lundi. Je suis allé déjeuner au Rostand, en face du Luxembourg, et j'ai passé la journée à m'offrir des choses sans intérêt, jusqu'au scooter, quoi. Ah, tu t'es acheté un scooter avec la carte volée? Oui, et je me suis fait choper par le type du garage. C'était un concessionnaire Piaggio, près des Halles, rue... Ah merde, je me souviens plus. Bon, j'ai porté mon dévolu sur un gris, tout neuf, étincelant. On a discutaillé avec le gars sur les prix. J'avais bien pris soin avant de regarder qu'il était équipé du fameux sabot. Hein, et j'ai fait une carte. Presque 12 000 francs, 1 600 euros à peu près. Et il m'a demandé ma pièce d'identité. J'ai fait semblant de la chercher, de ne pas la trouver. Hein. Le type me fixait. Il m'a dit que, qu'il allait, par acquis de conscience, téléphoner pour voir s'il n'y avait pas eu un incident sur la carte. J'ai paniqué, mais j'ai réussi à l'embobiner. Je ne me souviens plus comment, mais j'y suis arrivé. Et je suis parti avec le scooter. Deux jours après, le type était en bas de chez moi. Il m'a dit que je m'étais bien foutu de lui et que j'avais 12 heures pour trouver l'argent, sinon il me balançait aux flics. Et t'as demandé à Christian? Oui. Ah. Il était en Roumanie à ce moment-là. Il traficotait avec les membres de l'ex-gouvernement de Ceausescu, juste après qu'il se soit fait assassiner. Il organisait des chasses à l'ours avec ces types qui étaient plus mafieux que ministres. Hein. Comme il n'était pas en France, il m'a dit d'aller trouver un type dans un hôtel de la rue des Petites Écuries, un certain monsieur Nidza, Georges Nidza, et qui me donnerait l'argent dont j'avais besoin. J'y suis allé, j'ai vu le type en question, et j'ai demandé 20 000 francs. Ah, mais c'est plus que ce que tu avais dépensé. Je sais, mais bon, j'ai dit ça comme ça, sans trop réfléchir. Le monsieur Nidza est remonté dans sa chambre pour chercher l'argent, et 5 minutes après, j'étais sur mon nouveau scooter, avec une liasse de Pascal roulée dans ma poche de jean. Mais il y a un truc qui me chiffonne, enfin, qui m'étonne de toi. T'étais pas dérangé de dépenser l'argent de ce Jean-Marc Fies? Avant de m'en servir, j'ai téléphoné au numéro de téléphone de l'assurance marqué sur sa carte, en me faisant passer pour un client X, pour savoir si, avec cette carte, j'étais couvert en cas de vol. Et on m'a dit que oui, à hauteur de 20 000 francs. Ah bon. C'est mal ce que t'as fait, mais c'est bien. Je suis désolé, ça casse un peu mon image de chevalier blanc. Eh ben, descends chez l'épicier acheter de la harissa pour te faire pardonner. J'ai oublié d'en prendre. C'est lui? Oui, je prends pas. Mais il devrait pas être dans l'avion, là? Si. T'aurais dû acheter un fusil. Mythographie de Yann Corridian et Sophie Quintan. Septième épisode, avec Éric Herson-Macarel, Christine Gagneux, Guillaume de Tonquédec, Laure Calamy, Thomas Sagols et les voix de Fatima Aïdbou et Lise Bilien. Ah, c'est le fric. Bruitage, Patrick Martinache. Équipe de réalisation, Bernard Laniel, Emmanuel Armin, Yaël Mandelbaum, Laure Egoroff. Thank you.